Nombre chapitre 26. Or il arriva, après cette plaie-là, que l'Éternel parla à Moïse et à Éléazar, fils d'Aaron le sacrificateur, en disant, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leur père, savoir, de tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Moïse donc, et Éléazar le sacrificateur, leur parlèrent dans les campagnes de Moab, auprès du Jourdain de Jéricho, en disant, qu'on fasse le dénombrement depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus, comme l'Éternel avait commandé à Moïse et aux enfants d'Israël, quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben fut le premier-né d'Israël, et les enfants de Ruben furent Hénoch, de lui sortit la famille des Hénochites, de Palu, la famille des Paluites, d'Etsron, la famille des Etsronites, de Carmi, la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites, et ceux qui furent dénombrés étaient 43 730. Et les enfants de Palu, Eliab. Et les enfants d'Eliab, Nemuel, Datan et Abiram. Ce Datan et cet Abiram, qui étaient de ceux qu'on appelait pour tenir l'assemblée, se mutinèrent contre Moïse et contre Aaron à l'assemblée de Corée, lorsqu'on se mutina contre l'Éternel, et lorsque la terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Mais Corée fut enveloppé en la mort de ceux qui étaient assemblés avec lui, quand le feu consuma les 250 hommes, et ils furent pour signe. Mais les enfants de Corée ne moururent point. Les enfants de Siméon, selon leur famille, de Nemuel, la famille des Nemuélites, de Jamin, la famille des Jaminites, de Jaquin, la famille des Jaquinites, de Zéra, la famille des Zarites, de Saül, la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites, qui furent 22 200. Les enfants de Gad, selon leur famille, de Tsephon, la famille des Tsephonites, d'Agji, la famille des Agjites, de Suni, la famille des Sunites, d'Ozni, la famille des Oznites, d'Eri, la famille des Érites, d'Aro, la famille des Arodites, d'Aréel, la famille des Aréélites. Ce sont là les familles des enfants de Gad, selon leur dénombrement, qui fut de 40 500. Les enfants de Juda, Éonan, mais Éonan moururent au pays de Chanaan. Ainsi les enfants de Juda, distingués par leur famille, furent, de Séla, la famille des Sélanites, de Pharès, la famille des Pharésites, de Zara, la famille des Zarites. Et les enfants de Pharès furent, d'Etsron, la famille des Etsronites, et de Hamul, la famille des Hamulites. Ce sont là les familles de Juda, selon leur dénombrement, qui fut de 76 500. Les enfants d'Issachar, selon leur famille, de Tola, la famille des Tolaïtes, de Puva, la famille des Puvites, de Jazub, la famille des Jazubites, de Saron, la famille des Saronites. Ce sont là les familles d'Issachar, selon leur dénombrement, qui fut de 64 300. Les enfants de Zabulon, selon leur famille, de Séred, la famille des Sérédites, d'Élon, la famille des Élonites, de Jaléel, la famille des Jaléélites. Ce sont là les familles des Zabulonites, selon leur dénombrement, qui fut de 60 500. Les enfants de Joseph, selon leur famille, furent Manassé et Ephraïm. Les enfants de Manassé, de Makir, la famille des Makirites, et Makir engendra Galaa, de Galaa, la famille des Galaadites. Ce sont ici les enfants de Galaa, d'Iézé, la famille des Iézérites, d'Élé, la famille des Élékites, d'Asriel, la famille des Asriélites, de Séchem, la famille des Séchémites, de Semida, la famille des Semidaïtes, d'Éphé, la famille des Éphrites. Or Tselophka, fils d'Éphé, n'eut point de fils, mais des filles, et les noms des filles de Tselophka sont Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Ce sont là les familles de Manassé, et leur dénombrement fut de 52 700. Ce sont ici les enfants d'Ephraïm, selon leur famille, de Sutéla, la famille des Sutélaïtes, de Béké, la famille des Bacrites, de Tan, la famille des Taanites. Et ce sont ici les enfants de Sutéla, d'Éran, la famille des Éranites. Ce sont là les familles des enfants d'Ephraïm, selon leur dénombrement, qui fut de 32 500. Ce sont là les enfants de Joseph, selon leur famille. Les enfants de Benjamin, selon leur famille, de Béla, la famille des Balites, d'Esbel, la famille des Asbélites, d'Airam, la famille des Airamites, de Séphufam, la famille des Séphufamites, d'Ufam, la famille des Ufamites. Et les enfants de Béla furent Arénaaman, d'Ar, la famille des Ardites, et de Naaman, la famille des Naamanites. Ce sont là les enfants de Benjamin, selon leur famille, et leur dénombrement fut de 45 600. Ce sont ici les enfants de Dan, selon leur famille, de Suam, la famille des Suamites, ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Toutes les familles des Suamites, selon leur dénombré, furent 64 400. Les enfants d'Azé, selon leur famille, de Jana, la famille des Janaïtes, de Jisui, la famille des Jisuites, de Beria, la famille des Beriaïtes. Des enfants de Beria, d'Ébé, la famille des Hébrites, de Malkiel, la famille des Malkielites. Et le nom de la fille d'Azé, fut Séra. Ce sont là les familles des enfants d'Azé, selon leur dénombrement, qui furent 53 400. Les enfants de Nephtali, selon leur famille, de Jatséel, la famille des Jatséélites, de Guni, la famille des Gunites. De Jetsé, la famille des Jitsrites, de Siem, la famille des Siémites. Ce sont là les familles de Nephtali, selon leur famille, et leur dénombrement fut de 45 400. Ce sont là les dénombrés des enfants d'Israël, qui furent 601 730. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, « Le pays sera partagé à ceux-ci par héritage, selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre tu donneras plus d'héritage, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras moins d'héritage, on donnera à chacun son héritage selon le nombre de ses dénombrés. Toutefois que le pays soit divisé par sort, et qu'ils prennent leur héritage selon les noms des tribus de leurs pères. L'héritage de chacun sera selon que le sort le montrera, et on aura égard au plus grand et au plus petit nombre. Et ce sont ici les dénombrés de Lévi, selon leur famille, de Gerson, la famille des Gersonites, de Kehath, la famille des Kehathites, de Merari, la famille des Merarites. Ce sont donc ici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Malites, la famille des Musites, la famille des Corites. Or Kehath engendra Amram. Et le nom de la femme de Amram, fut Jochtébed, fille de Lévi, qui naquit à Lévi, en Égypte, et elle enfanta Amram, Aaron, Moïse, et Marie, leur sœur. Et Aaron naquit en Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Et Nadab et Abihu moururent en offrant du feu étranger devant l'Éternel. Et tous les dénombrés des Lévites furent 23 000, tout mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, qui ne furent point dénombrés avec les autres enfants d'Israël, car on ne leur donna point d'héritage entre les enfants d'Israël. Ce sont là ceux qui furent dénombrés par Moïse, et Éléazar le sacrificateur, qui firent le dénombrement des enfants d'Israël, aux campagnes de Moab, près du Jourdain de Jéricho, entre lesquels il ne s'en trouva aucun de ceux qui avaient été dénombrés par Moïse et Aaron sacrificateur, quand ils firent le dénombrement des enfants d'Israël, au désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit d'eux, que certainement ils mourraient au désert, et ainsi il n'en resta pas un, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun.